ce pays a culte disert, que vos longs a trop longtemps souffert. Le ciel pour jamais les termine. Si guerriers choisis parmi vous vont décider du sort de l'un et l'autre empire, ce jour même la guerre expire et ce dernier combat nous réunira tous.